Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Alors messieurs, on se retrouve pour un nouvel épisode, je suis très content encore une fois d'être avec vous. Gros épisode la dernière fois, c'était Red Dead 2, et cette fois-ci, on va faire un tout petit jeu avec Mutazione. On s'est dit que ce serait amusant, voilà, de faire ce grand écart entre probablement un des plus gros jeux dont on a parlé et dont on parlera pendant longtemps, parce que je pense qu'on fera difficilement plus gros que Red Dead 2 avant un petit moment. Et là, vraiment, c'est probablement un des plus petits jeux dont on va parler. Donc voilà, c'est amusant, c'est rigolo, tout simplement. Oui, mais si on peut faire ça, je te tends la perche, c'est parce que justement, vous nous soutenez sur Patreon. Merci Rodrigue. Effectivement, vous pouvez continuer de nous soutenir sur notre page Patreon. Il suffit de créer un petit compte, vous mettez des petites piécettes et tout le monde est content, nous comme vous. Sachant que la blacklist arrive, on est toujours en ligne de mire. Ça fait quand même plusieurs épisodes qu'on dit qu'elle est en ligne de mire, mais voilà. Mais là vraiment. Elle fait un tout petit pas en arrière à cause du début du mois, mais là, ce mois-ci, c'est possible, c'est pas impossible, c'est très possible. On y croit. On remercie également Third Edition, sœur d'édition dans la langue de Molière, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Excuse-moi, je t'ai manqué de respect. Allez loin. Mais moi, je pense aux gens qui ont leur petite grille de bingo, là. Il faut quand même qu'ils puissent marquer des points. Moi, je me suis dit, s'ils font leur petit numéro, de toute façon, faudra monter un peu le décalage, parce que toujours, quand tu tends une perche, il va y avoir genre 3 secondes entre les deux. Et oui. Et oui, c'est vrai que nous sommes en distanciel pour des raisons techniques. Nous pouvons peut-être le confier aux personnes qui nous écoutent. Oui. Nous avons eu des gros soucis de matériel. Et voilà, nous sommes en distanciel. Mais bref, tout ça pour dire merci à Third Edition. Mehdi m'a dit de dire que c'est le mois Kojima. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est le retour du livre sur Metal Gear Solid qui était depuis longtemps en rupture de stock, qui n'existait plus. C'était impossible de le trouver à moins de payer 800 € sur PayPal. Sur eBay, pardon. Et c'est aussi peut-être que autre chose arrivera ce mois-ci lié à Kojima. Je ne sais pas. Il m'a dit... On a vu une image floue sur leur compte Twitter. Je pense qu'il s'agirait d'un indice, d'un teasing. On ne peut pas en dire plus, de toute façon. Voilà. Mais je peux faire une petite reco. Si vous êtes frustré de ne pas avoir plus d'infos, moi, j'ai lu le bouquin Akira, donc écrit par Rémi Lopez, après avoir lu le manga. Et oui, je n'avais pas lu jusque-là. C'était très bien aussi, donc je vous conseille les deux. Dit la personne qui ne l'a pas lu. Oui, bien sûr. Donc le bouquin sort d'édition dessus est vraiment cool. Voilà, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur tout le contexte politico-économique, un petit peu du Japon de l'époque et des productions culturelles de l'époque, pour comprendre un petit peu des références, des sources qu'ont pu inspirer Akira et la vie de Katsuhiro Otomo, voilà, je vous le conseille. Eh bien, merci Maxime pour cette recommandation sincère en plus, avec avec tes petits mais soins, avec toi. Mon argent, absolument pas sponsorisé, c'est ça, c'est complètement inattendu. Oh là là, cette émission est d'une honnêteté et d'une transparence aussi que j'aimerais saluer. Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir attaquer l'épisode. Benoît nous a choisi une petite musique parmi toutes celles du jeu. Qu'est-ce qu'on va écouter, Benoît ? On va écouter le thème principal, tout simplement, parce que c'est la musique qui nous accompagne quand on part sur l'île de Mutazione. Il y a une petite chanson, ça met le mood, en fait, hein, parce que c'est vraiment un jeu à ambiance, avec une atmosphère très cosy, cocooning. Et donc, je pense que ça va nous permettre de vous percer comme ça. Si vous êtes dans votre bain, en train de nous écouter, bienvenue sur Fin du Game. On est bien. J'ai l'impression qu'on est dans les démons du midi. Alors, Pipo, qu'est-ce que tu vas nous faire écouter aujourd'hui ? On les embrasse, évidemment, et puis nous, on se retrouve juste après ça. Watch. Alors, Mutazione, c'est sorti le 19 septembre 2019. Oui, j'en profite, ce n'est pas souvent qu'on peut prononcer des noms de jeu en italien. Donc voilà, j'en profite, je me fais le plaisir. Le mouvement avec sa main à côté du micro. Oui, voilà, évidemment, évidemment. C'est sorti sur PC, c'est sorti sur PlayStation 4. C'est aussi sorti, ça avait même accompagné le launch de l'Apple Arcade, qui était une offre qu'Apple avait faite, qui regroupait en fait plusieurs jeux premium. Parce que bon, en général, sur mobile et tablette, le premium, c'est pas forcément le modèle dominant. Et du coup, cette offre, elle était regroupée sous un abonnement qui permettait d'accéder à différents jeux. Et à la sortie, il y avait Mutazione, il y avait Overland. Il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis et qui continuent de sortir, hein, parce que l'offre existe toujours. C'est vraiment un abonnement qui est toujours en cours. C'est vrai que c'était un peu la réponse d'Apple par rapport à cette espèce d'énorme fossé qu'il y a entre les jeux free-to-play et les jeux dits premium, parce que bah, les gens achètent assez peu de jeux, finalement. Donc voilà, c'était l'occasion aussi pour le studio d'être mis en avant, je pense, grâce à un petit peu ce coup de com', parce que c'est vrai que ça a beaucoup fait parler de Apple à ce moment-là. Exactement. Alors c'est un jeu qui est développé par Die Gute Fabrik, et cette fois-ci je switch sur l'accent allemand, qui est probablement un petit peu quel moins bon. Quel citoyen surtout. Du monde, c'est incroyable. Mais voilà, non, bon après on est en Alsace, donc c'est un peu la base quand même. Hein. Die Gute Fabrik, qui est un studio danois, qui a été fondé en 2008, mais qui n'a pas été fondé par des Danois, Maxime. C'est ça, on va s'attarder assez longtemps sur Niels Denneken, qui est un Allemand, puisque Mutazione, ben, c'est quand même une histoire qui s'écrit sur 10 ans à peu près. Die Gute Fabrik, ça a été fondé en 2008 ou 2009, je ne sais plus. 2008. On va dire, c'est noté 2008 sur le computer, Maxime. Parfait. Et donc Niels Denneken, lui, donc en 2008, il venait de terminer ses études. Il était dans la communication visuelle. Voilà, vous voyez précisément ce que ça veut dire. C'est pas du tout large comme terme. Mais il avait un projet final qui s'appelait Rogue Blend 2, qui était un film d'animation interactif, et qui a été nommé à l'IGF dans la catégorie étudiante. Donc il n'a pas gagné, mais il a pu s'y rendre et découvrir du coup la scène du jeu vidéo indépendant et de faire des rencontres. Et notamment, c'est là qu'il a rencontré Douglas Wilson. On reviendra peut-être un petit peu plus en détail sur lui, mais lui il y était, je pense qu'il faisait déjà ses études à Copenhague, puisqu'il faisait un doctorat qui terminera en 2012, et il était déjà pour un jeu qui s'appelle Dark Room Sex Game, enfin voilà, il va y avoir tout des jeux un petit peu, voilà, un petit peu particuliers dont on va parler. Le nom m'a jeté l'oreille. Et donc Rogue Blend 2, c'est ensuite un jeu qui était disponible au téléchargement, et c'est ce qu'a fait Alessandro Coronas, un compositeur italien, qui a donc téléchargé son jeu, qui en avait entendu parler dans un magazine. Il adore le style visuel et tout, et il se dit, c'est qui a fait ça, je veux absolument travailler avec lui. Et donc il envoie une musique à Niels, et Niels adore le style de Alessandro, sachant que Niels avait aussi composé toute la musique pour Rogue Blend 2, il avait tout fait. On s'attardera aussi sur tout ce qui est musique et tout, mais c'est quand même des gros icos, hein. Les trois qu'on vient de citer, là, Niels Denneken, Douglas Wilson, et surtout Alessandro Coronas, qui lui, c'est vraiment c'est son métier. Mais voilà, la musique est importante dans ce studio. Et donc Mutazione existait déjà dans l'esprit de Niels, mais plutôt sous forme de film d'animation, parce que c'était un petit peu plutôt le milieu dont il venait. Mais là, voilà, il fonde Die Gute Fabrik au Danemark, avec une autre personne qui elle, je pense, est danoise. Un nom difficilement prononçable. C'est ça, mais en tout cas... Et on parlera pas vraiment de lui, parce que voilà, d'un point de vue créatif, il intervient absolument pas dans le jeu. Il est crédité pour certaines parties, mais voilà, c'est il est pas dans les interviews ou quoi. Donc voilà, c'est vraiment les trois Gus et une autre personne dont on parlera. Et du coup, Niels se met à réfléchir en jeu vidéo pour changer un petit peu avec Mutazione. Donc il avait l'idée de l'univers, des personnages, un petit peu du mood général. Et donc déjà dès 2008, mais il commence du coup à conceptualiser ça avec Alessandro, Douglas et tout. Il commence à recevoir du financement, notamment du Danish Film Institute et je crois du Nordic Game Fund. Plus tard, il y en aura d'autres. Il y aura Sony et je pense Apple. On aura aussi l'occasion de s'attarder là-dessus. Mais voilà, ça commence un petit peu à prendre forme. Ça doit être un platformer au début avec la source d'inspiration qui est Another World, surtout de Eric Chahi. Donc il travaille un petit peu dessus, de façon un petit peu sporadique. Ils vont bosser en fait. Il y a plein d'autres jeux qui vont sortir en fait avant Mutazione. Puisque... Ouais, c'est-à-dire que c'est toujours dans leur esprit, mais ils vont quand même travailler sur d'autres jeux et qui justement ne seront pas dirigés par Nils, c'est ça, hein, ouais. Pour la suite. C'est ça, il y a en 2011, il y a Where is My Heart, et la principale personne derrière, c'était quelqu'un qui s'appelle Bernard Schulenburg, qui après, je crois qu'il quitte un petit peu la fabrique, il fera d'autres projets, mais c'était principalement son jeu. Il y a Alessandro qui fait la musique et Nils. Qui fera la DA, le level design, donc voilà, ils bossent ensemble là-dessus, mais effectivement, c'est plutôt le jeu d'un autre. Ensuite, Douglas, donc, dont on parlait tout à l'heure, lui, il rejoint Digout Fabric en 2012, il a terminé son PhD à Copenhague et tout. Lui, il bossait donc sur des jeux un petit peu, qu'on peut appeler un petit peu alternatifs, ou certains contrôles alternatifs, il y avait Button, ou son jeu qui l'a fait connaître, c'était Johann Sebastian Joost, qui sortira en 2013, mais il bossait déjà dessus, c'était déjà un petit peu connu dans les milieux. Alors, pour s'attarder deux secondes, parce que c'est marrant comme concept, Johann Sebastian Joost, c'est que il y a pas d'écran, c'est plus des joueurs. Alors je sais plus c'est que deux ou plusieurs, mais en tout cas il me semble que c'est des duels, ouais. En fait, hein. Ouais. D'accord. Et donc les joueurs ont un PlayStation Move dans la main. Donc c'est comme une Wiimote, hein, globalement, pour être un petit peu grossier. Le PlayStation Move, ça a tellement pas marché que t'es obligé d'expliquer ce que c'est. Ouais, au cas où, c'est mieux. Et en fait, il y a une musique qui passe. Quand la musique est lente, en fait, tu peux quasiment pas bouger le super. En fait, si tu bouges trop le contrôleur. Et quand la musique s'accélère, tu peux plus le bouger, mais tu perdras quand même s'il bouge énormément. Et du coup, il faut profiter de cette fenêtre pour te ruer sur celui de l'autre et le taper, en gros. Pas le taper. Non, l'idée c'est de faire bouger en fait. Ouais, l'idée c'est de faire sortir. Le c'est une espèce de hein, jeu de sumo personne, si vous voulez avec les contrôleurs. Ouais. Ouais, il faut sortir en fait d'une espèce de. Il y a un seuil autour duquel on peut pas en sortir. C'est indiqué par la couleur en fait du PlayStation Move qui va tirer au rouge quand on est en danger. Et donc le but voilà c'est de gêner son partenaire pour le pousser là-dessus. Et ce qui est intéressant c'est que cette notion là de contrôleur alternatif c'est un truc dont on peut parler parce que c'est tout un pan en fait de la création des jeux vidéo dont on parle très très peu, hein. C'est encore plus niche que ce que nous on peut aborder dans nos chaînes respectives. Là on est vraiment dans ce qu'on peut appeler du jeu expérimental, c'est-à-dire qu'on va avoir des artistes qui vont un petit peu interroger les limites de ce qu'est un jeu vidéo. Là par exemple avec Johann Sebastian Joost, c'est un bon exemple parce que c'est un jeu sans écran, il n'y a pas besoin, ça reste un jeu vidéo, puisque du coup il y a quand même une interface avec une machine qui fait des calculs, etc. Mais on n'a pas besoin d'écran, donc c'est assez intéressant, et du coup c'est un jeu en fait qui a été pas mal remarqué, et qu'on a retrouvé dans pas mal d'expositions, de salons, d'installations, de choses comme ça. Ouais. Par exemple, si vous êtes allé au Stunfest, à l'Indiecade, ce genre de salon-là, à l'époque, souvenez-vous, pour les plus vieux d'entre nous qui nous écoutent, quand on avait le droit de sortir de chez nous, c'est le genre d'installations qui sont souvent présentées. Pardon. Et on peut en profiter d'ailleurs pour mentionner, hein, Strasbourg, il y a un label de contrôleur alternatif, hein, qui s'appelle Random Bazaar. Donc voilà, c'est une scène, il y a une scène qui fourmille à Strasbourg. Fourmillant dans les artistes du jeu vidéo expérimental et alternatif, oui. Et du coup, Johann Sebastian Joost, qui était principalement le jeu de Douglas Wilson, mais Nils Deneken a aidé un petit peu à la genèse et tout. Mais voilà, on est encore une fois sur un côté un peu ping-pong chez Digout Fabric. Et pendant ce temps, Mutazione, qui était un petit peu en gestation, ça devient progressivement un jeu d'aventure narratif. En fait, ils enlèvent vraiment les phases de plateforme, décident d'enlever toute forme de challenge, continuent un petit peu de s'envoyer des musiques. On parlera de la musique plus tard, mais on voit qu'il y avait déjà des musiques composées, hein, à l'époque. Alessandro, lui, il bosse, hein, Nils lui donne des consignes. Alessandro, voilà, il continue. Dès cette époque, en fait, il y a déjà des concept art, il y a même quasiment une grande partie de la direction artistique qui est déjà là, hein, parce qu'il y a des écrans, notamment dans la forêt qui était fait aux alentours de 2009-2010 qu'on retrouve dans le jeu final. Donc c'est un truc qui leur reste en tête depuis toujours. Et juste pour l'anecdote, parce que ça me fait toujours marrer en fait, quand il parlait de l'histoire, Nils, il disait que lui et Mutazione, son point de départ, c'est qu'il a toujours rêvé, alors vous jugerez vous, hein, si c'est intéressant ou pas, de balancer une météorite sur un resort, sur un village vacances. Il s'est dit tiens, c'est ça, sur un Club Med, voilà, on va détruire un Club Med et on va regarder ce qui se passe après. Et c'est ça en fait le point de départ de l'histoire de Mutazione. Et finalement, donc il y a Anna Nicklin, dernière personne vraiment clé du jeu, qui débarquera en 2016, et elle va s'occuper de l'écriture. On sent qu'il y a eu une certaine impulsion, en tout cas une volonté de sortir le jeu, parce que là, je rappelle, là, elle arrive en 2016, L'idée est depuis 2008-2009, hein, dans les tuyaux, avec les croquis, les musiques, etc. Donc ça commence à faire un petit moment. Elle écrira tous les dialogues. Elle sera narrative designeuse, mais écrira vraiment tous les dialogues, décidera un petit peu du tempo, des inspirations et tout. On s'attardera aussi sur son travail. Et puis bon, une des raisons pour lesquelles le jeu sort, c'est aussi finalement les financements, ils commencent à arriver un petit peu à bout aussi. Moi, je suppose aussi qu'ils étaient peut-être déjà en discussion avec Apple vis-à-vis de l'Apple Arcade, puisque comme on l'a dit, le jeu est sorti au moment de l'offre sur Apple Arcade, il y a une sortie coordonnée, et j'imagine que ça a été un bon prétexte pour donner une vraie date finalement, une vraie date finale pour sortir le jeu, quoi. Parce que ça fera 11 ans à peu près entre le moment où ils ont commencé à faire quelque chose et le moment où Mutazione est sorti. Ce qui est intéressant avec ce studio-là, en fait, c'est qu'ils ont vraiment un fonctionnement assez... Alors je vais dire un peu hippie, mais c'est, on va dire, c'est un énorme raccourci. C'est juste qu'en fait ils n'hésitent pas en fait à engager des gens, les voir partir. Les gens, ils arrivent, ils repartent, ils changent en fonction des projets. Ils changent également au niveau des postes, puisque les gens peuvent changer de poste à l'intérieur de la boîte. Il n'y a pas une notion de telle personne, c'est un lead. L'idée, c'est voilà, Douglas Wilson, il est plutôt sur le côté contrôleur alternatif, alors on va le suivre. Puis après, on va faire le jeu de Nils parce que il m'avait aidé avant, donc je vais continuer de l'aider. Donc y a une relation assez, c'est assez mouvant en fait comme studio. Et on sent qu'Anani Klein apporte une sorte de stabilité et de direction un petit peu à l'ensemble, parce qu'elle, du coup, elle a un background aussi académique, hein, parce qu'elle a aussi fait une thèse. Alors le sujet, ne me demandez pas, c'est quelque chose en littérature et dans l'écriture interactive. Elle vient du théâtre principalement et ça va pas mal se ressentir justement dans son approche du jeu. Ouais. Du coup, le jeu finit par sortir sur l'Apple Arcade. Les retours critiques sont assez positifs. Hein. On est sur un 80 sur Metacritic. Il gagnera même quelques petits prix ici et là dans certains magazines. Par contre, en thème de visibilité, c'est un jeu qui va rester vraiment extrêmement niche. Alors, on se demandait qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ce jeu avait eu aussi peu de visibilité. Et une des pistes qu'on a trouvées, c'est qu'il est sorti juste un jour avant le fameux Untitled Goose Game, donc le jeu avec loi dont vous avez probablement entendu parler, ou vous avez peut-être même joué d'ailleurs, hein, si vous nous écoutez, c'est très possible que vous étiez exposé à ce jeu, et c'est vrai que c'est un jeu qui avait capté toute l'attention, qui avait complètement dépassé justement les frontières de la niche du jeu indépendant, qui était arrivé dans des médias beaucoup plus traditionnels, beaucoup plus mainstream, et on peut se dire que Mutazione s'est un peu fait écraser par la sortie de ce jeu. D'habitude, c'est des gros monstres, des Red Dead, des Cyberpunk pour lesquels tout le monde s'écarte. Là, il y en a un qui a capté toute l'attention, on l'avait pas forcément vu venir, mais voilà, on se dit que c'est un petit peu pour ça que le jeu n'a pas eu trop de visibilité. Et puis là, aujourd'hui, on regardait, en général, on essaie d'estimer les chiffres de vente avec le nombre de reviews sur Steam. Et là, je crois qu'on avait constaté, c'était 350 reviews sur Steam, ce qui est vraiment très, très, très peu. À titre de comparaison, on avait regardé, c'était un autre petit jeu, entre guillemets, qu'on a abordé, c'était The Red Skins Club, et on était à plus de plusieurs milliers, il me semble, de reviews hein, sur la page Steam. Sachant qu'après, bon, Red Skins Club, il y a Devolver, quand même, ouais, déjà, oui, c'est derrière, donc c'est toujours, on est à 6000 quasiment bon pour Red Skins Club, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est 20 fois plus. Et en fait, on peut estimer, en gros, hein, vraiment, parce qu'il y a un pourcentage fixe de gens qui font la démarche d'aller sur Steam pour mettre une note. Du coup, c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que souvent les devs de studio essayent d'inviter les gens à mettre une review sur Steam, parce que ça permet d'avoir une estimation assez précise des ventes de jeux, puis ça permet également de mettre en avant le jeu dans l'algorithme de Steam. Donc voilà, si jamais vous avez joué à des jeux sur Steam et que vous avez vraiment eu un coup de cœur, prenez 5 minutes pour mettre un petit « c'était super, merci », ça fera plaisir aux devs. Et juste pour s'attarder un petit peu sur le rayonnement de Mutazione, bon, il y a aussi une réalité, c'est qu'il rejoint quand même l'écrasante majorité des jeux hein, qui sortent et qui n'ont pas un énorme argument différenciant, mine de rien, hein, parce qu'on parle de Goose Game, la raison pour laquelle il a cartonné, ouais, c'est qu'il y a un concept, il y a une image, il y a quelque chose tout de suite en fait qui fait que ça se connecte dans les cerveaux quand on voit ça, c'est drôle tout de suite, on dirait c'est cool, c'est marrant, c'est innovant, ou on avait déjà pu en parler, hein, mais t'as des jeux comme Cuphead ou Hollow Knight, ou qui vont avoir une DA qui peuvent marquer un petit peu, ou sinon on va y avoir une idée de gameplay, où là on va se dire ok, il y a un univers particulier, et autant Mutazione, bon, il y a une force avec l'univers, mais ça va plutôt être l'écriture, les personnages, et encore une fois, c'est pas non plus quelque chose d'éclatant, de révolutionnaire, qui va tout de suite donner envie, donc c'est aussi une réalité. C'est un point and click narratif, donc ouais. C'est vrai que vraiment, quand tu regardes des trailers, c'est pas forcément quelque chose qui va te sauter aux yeux. D'ailleurs, je sais même plus vraiment pourquoi, il me semble que c'est moi hein, qui l'avais joué. Ouais, je crois que c'était toi qu'on avait parlé au tout début. Ouais. Et il me semble justement, parce que j'avais vu un prix, je crois que c'est Polygon qui avait dit que c'était un des jeux les mieux écrits de ces dernières années, ou un truc comme ça, qui avait beaucoup aimé. Et je sais pas, je devais être dans un mood d'ouverture d'esprit à ce moment-là, où je devais pas avoir grand-chose à jouer, grand-chose qui me tentait, et je me suis lancé dedans. Et c'est vrai que j'ai passé un bon moment, et c'est comme ça qu'il s'est infiltré dans la liste de fin du game jusqu'à cet épisode. Ouais, parce que du coup, nous on l'avait fait avec ma compagne quelques semaines ou quelques mois après toi, et en plus, bon, c'est vrai qu'avec l'ambiance à la Sinistre Rose générale, c'est un jeu qui fait du bien parce que c'est vraiment une petite bulle d'air comme ça qui est très agréable. Et du coup, bah, comme on était déjà deux à l'avoir fait, il restait plus qu'à convaincre Max. Non, ne réécrivez pas l'histoire, ah, monsieur. Moi, je l'ai fait quelques mois, je pense, après Hugo qui a dû le faire en 2019. Mais ça se trouve, on l'a fait en même temps en fait. Je pense que tu l'as fait bien un an, voire deux après Hugo. Non, toi tu l'as fait. Il est sorti en septembre 2019. Sorti en 2019, deux ans après, c'est dur. Hein. C'est pas possible. Oui, oui. Mais tu l'as peut-être fait plus d'un an après, en tout cas. Ouais, c'est possible. On l'avait fait. Je crois qu'on l'avait fait pendant le premier confinement, donc ça devait être mars avril, un truc comme ça. Et j'ai dû le faire pour le coup. Je pense que je l'avais fait entre vous deux, honnêtement. Ok. Et ben, écoutez, désolé. Vous avez toute la backstory. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on avait fait tous les trois jeux, parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui se posaient la question pourquoi parler d'un petit jeu comme ça. Bon, déjà d'une, parce qu'on aime bien essayer de proposer un truc diversifié dans l'émission. On explore le paysage vidéoludique. Exactement. Un jeu qui nous a marqué en fait, finalement, qui nous a touché, donc on s'était dit bah tiens, c'est intéressant, c'est rigolo, parce que c'est sûr qu'on s'est dit bon, après Red Dead, voilà, vous serez quatre à nous écouter, donc merci à vous quatre, mais voilà. Très bien, bah écoutez, on va d'ailleurs rentrer un petit peu dans le jeu, comme d'habitude, on va attaquer son histoire. Peut-être pour commencer à poser les bases, qu'est-ce que c'est Mutazione ? Bah, c'est une île, tout simplement, qui a donc subi ce fameux cataclysme, hein, qui était un peu à l'origine du projet. Il y a une grosse météorite qui est tombée sur cette île, c'est le Moon Dragon, c'est comme ça qu'elle est appelée dans le jeu, le dragon de lune, hein, je ne sais pas trop comment le traduire, mais je crois que c'est comme ça. Vous y avez joué en anglais ou en français ? Je crois que j'ai joué en anglais. J'y avais joué en français. Mais j'ai plus le souvenir du météorite, le nom qu'il leur donne, ouais, effectivement. Bref, ce fameux météorite qui va tomber sur cette île, et on croyait que ce météorite avait tout ravagé, mais en fait, pas vraiment, puisque ça a créé une mutation, d'où le nom Mutazione, et c'est la faune et la flore de cette île qui s'est complètement transformée, et il y a quand même certaines personnes qui étaient déjà dessus et qui se sont transformées. Alors, ça reste des mutants humanoïdes, mais on voit qu'il y a une espèce d'évolution un peu animale qui s'est faite. Il y en a une... c'est un chat, il y en a un, c'est une espèce de paresseux un petit peu, il y en a un, c'est devenu insectoïde, enfin bref, il y a plein de mutations, et bah voilà, tout ce petit clan vit encore sur cette île. Et peu après la météorite, bah, il y a une expédition scientifique qui est lancée pour aller étudier justement les phénomènes qui sont en train de se passer sur cette île, et éventuellement, pourquoi pas voir s'il n'y a pas moyen d'en tirer un peu de blé, parce que bon, on sait que la science est au service du grand capital, vous le savez. Et cette expédition, elle était dirigée par un certain Nono, non tout à fait sérieux pour un grand scientifique, vous le remarquerez. Et voilà, ils vont étudier, ils vont se prendre aussi un petit peu d'affection pour les gens de l'île. Mais au cours d'une expédition, il va y avoir un gros accident où une majeure partie de l'équipe scientifique va périr, notamment parce qu'ils se sont rapprochés du Great Fang, donc un grand champignon qui serait à la fois une entité semi-vivante qui participerait en tout cas à l'équilibre de l'île, mais qui serait responsable justement de toutes ces mutations. Et en s'en approchant un peu trop, bah voilà, il y aura un gros accident. Mais Nono restera sur l'île avec sa famille, donc avec sa femme et sa fille, et il deviendra un petit peu, il prendra ce rôle de guide spirituel pour les différents mutants, mais en gros les différentes personnes qui vivent encore sur l'île. On avance un petit peu dans le temps, et sa femme et sa fille vont requitter l'île, elles vont décider de partir, parce que bah voilà, Nono il s'occupe beaucoup de l'île, mais voilà, ils se séparent tout simplement. Et flash encore forward, on va retrouver donc la petite fille de Nono, qui s'appelle Kai, qui sera la personne vraiment qu'on va incarner tout au long de l'aventure. Et en fait, suite à une lettre d'une des personnes qui vit sur l'île, qui est, c'est Mori je crois, ouais, qui envoie une lettre à sa mère, donc qui était la fille de Nono, pour lui dire que Nono est malade, et que du coup, bah, ce serait peut-être bien que sa fille et sa petite-fille viennent le voir, voilà, parce qu'on sait pas, ça se trouve, il va mourir, donc ce serait bien quand même qu'elle fasse connaissance. Et Kai va donc partir en vacances pendant une petite semaine sur l'île de Mutazione. Et on se rend compte qu'elle va, elle va bien accrocher tout de suite avec, avec son grand-père, mais comme il est en, dans un piteux état, parce qu'il a vraiment cette maladie qui le ronge, il va lui donner, il va lui transmettre un peu de sa responsabilité qui est bah, de s'occuper des différents jardins qui sont sur l'île et qui sont, on le comprend, une manière de maintenir l'équilibre de tout cet écosystème un petit peu particulier qui a été causé par, par la météorite. Et au cours de son aventure, au cours de, ses, toutes ces petites séances de jardinage, elle va aussi discuter, rencontrer les différents membres de ce petit clan qui vit sur l'île. Alors je sais pas combien il y a de personnages, il doit en avoir peut-être une petite dizaine, une quinzaine. Hein. C'est un peu comme le clan de Dutch, hein. C'est un peu la même bande. C'est ouais, la, c'est pareil, c'est la bande ils ont les mêmes personnalités, c'est quasiment la même chose. Hein. Il y a la coiffeuse, la cuisine. Oui, voilà, c'est exactement. On va croiser toutes ces personnes et ce sera l'occasion d'apprendre un petit peu leur petite sous-histoire, tous ces petits personnages. On va comprendre qu'il y a toute une toile de relations et d'historiques de sous-histoires qui se sont tissées entre ces personnages. Mais surtout, bah, on apprendra que... l'idée, ça va être que Kai va devoir essayer de restaurer l'équilibre entre justement ce grand champignon qui est enterré, enfoui tout au fond de l'île, et le papou tree, l'arbre papou, qui doit fleurir justement pour lui aussi maintenir cet équilibre. Et au cours de cet apprentissage, elle se rendra compte qu'en fait, ce qui rongeait la maladie de Nono, eh bien, c'est plutôt c'est une forme de somatisation, il me semble, c'est comme ça qu'on dit, de sa culpabilité. Vocabulaire sur cette émission là, c'est fou. Mais attention, incroyable, hein. Voilà, on monte à un niveau intellectuel, on a monté 2 degrés là, de somatisation, donc d'une culpabilité, parce que Nono, en fait, il était le guide spirituel, il a tenté de transmettre ses connaissances en jardinage à une personne qui vivait sur l'île, qui était donc le fils de Yoke et qui est le mari de Mew. Lui, en apprenant, il était un peu impatient d'apprendre ces trucs là, et en fait, lui aussi, en se rapprochant du grand champignon, ça va lui causer une espèce de grande crise et il va commettre un acte un peu affreux, il va mettre l'incendie à sa maison, tuer ses enfants et s'enfuir après, et c'est quelque chose qui sera une grande source de culpabilité pour Nono, et c'est de ce mal-là que viendra la maladie. Et finalement, l'histoire se terminera en restaurant l'équilibre entre le champignon grâce aux différents jardins qu'on a pu faire naître, mais aussi en aidant Nono à accepter d'accepter tout simplement sa culpabilité, que ce n'était pas forcément sa faute et que qu'il faut qu'il avance lui aussi. Et du coup, voilà, toute l'histoire se termine ainsi. Je le disais, il y avait plein de petites sous-histoires. Ça aussi, c'est un des intérêts, on va dire, du jeu, c'est d'apprendre la vie, le passé de tous les personnages qui gravitent comme ça autour de l'île. Parce qu'on se rend compte que là aussi, il y a une forme d'équilibre qui a été brisée. Il y a des non-dits, il y a eu des mensonges, il y a des blessures un petit peu enfouies, des plaies qui n'ont pas été soignées. Et c'est vrai que Kai, en arrivant avec son regard qu'elle a, et aussi, je pense qu'elle descend justement un peu de son grand-père, elle a un petit peu ce côté naïf mais en même temps un peu philosophe qui en fait elle aussi une bonne candidate pour être un guide spirituel. On va aider en fait tous ces personnes, on va démêler toutes les histoires et on va essayer de les désamorcer. Alors on apprendra du coup la fameuse histoire qui ronge Nono, donc cette histoire de culpabilité. On apprendra aussi, il y a tout un plot sur Aileen, donc qui est la coiffeuse, hein, ouais. Qui est enceinte, et on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, parce qu'elle dit que voilà, elle est enceinte de Grobert, qui est le petit marin qui arrive, c'est ce qu'elle déclare, mais en fait, on apprendra que Grobert n'est pas le père, en fait, à un moment où il était en mer, elle a passé une nuit avec Tung, qui est le petit-fils de Maury, et c'est lui le père, donc il y a cette petite histoire. On découvrira aussi une espèce de petit amour qui n'arrive pas à se déclarer entre Claire et Spike. Dennis, c'est Spike, ils se kiffent mais ils osent pas se le dire, donc vraiment on peut observer, c'est un peu comme deux petits tourtereaux qui font des parades mais ils osent pas se l'avouer, et du coup avec Kai on va pouvoir les aider à avancer et à se déclarer les choses, même si il me semble que c'est Mew qui vendra la mèche, ouais, en chantant une chanson il avait écrit en cachette, ouais parce que de toute façon comme le jeu se présente comme un soap opéra, il y a le côté tranche de vie, donc il y a vraiment plein de petits moments comme ça qu'on va découvrir, et ça fait partie des trucs qui sont cool, parce que c'est, même si c'est pas forcément lié à l'histoire principale, c'est intéressant, comme on discute à peu près assez naturellement avec tous ces personnages, le fait de comprendre d'où ils viennent, etc., ça marche très très bien, je trouve, ça fait partie de ces petits trucs sympas à découvrir. Et puis t'as l'histoire dont tu parlais, donc RD, celui qui a fait une crise, incendie à la maison, qui a disparu. Il y a évidemment sa femme ou son ancienne femme, Miu. Elle, on l'accompagnera à un moment à une scène assez chouette où on va se baigner tout simplement au milieu de grands immeubles. Et elle aussi, elle en souffre, tu vois. Elle n'a pas encore totalement terminé cette phase-là, cette phase intérieure. La maison, il reste encore la maison en ruine. Et on s'attardera sur tout ce qui est jardin, thématique et tout, mais j'aimais bien un moment où le grand-père, donc Nono, dit à Kai, il ne lui dit pas en fait ce qui est arrivé à Miu, il lui dit non, il faut que ce soit elle en fait qui te le dise. Donc il y a vraiment ce côté que le guide spirituel, il est là un petit peu pour canaliser un petit peu, transmettre, enfin être un petit peu le lien, le médium, hein, tout simplement. C'est en partie de là que ça vient entre les personnes, leurs émotions et avec les jardins, et il y a le fait qu'il faut que ce soit Miu qui se confie pour ensuite un petit peu rebondir là-dessus sur le fait qu'elle se confie et d'utiliser un petit peu cette énergie pour l'aider à faire la transition vers l'étape d'après, quoi. Ouais, parce qu'en fait, chaque jardin est lié un peu à un ensemble d'émotions. Il va y avoir un Ouais, tout petit à fait. nom qui va du coup aussi influencer la musique et la tonalité de la musique qui va être générée de manière procédurale par les plantes qu'on va mettre dans le petit mode jardin. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc en fait, en découvrant chacune de ces petites histoires, on va gagner accès à un endroit donc pour le jardin et on va débloquer du coup l'usage de ces différentes plantes, sachant qu'après, on va pouvoir s'amuser, si on le souhaite, un petit peu customiser, on va dire, le son pour mélanger différentes tonalités, différentes humeurs. Mais bien sûr, en fait, l'idée reste la même, c'est-à-dire que en recréant ces jardins, on redonne un petit peu d'équilibre et à la fin, le pouvoir de l'amitié gagne. Ouais. Alors, oui, on révèle un peu des émotions, ces mélancolies, c'est des petites émotions comme ça, hein, dans le jeu. Et voilà, disons qu'en les faisant respirer, en laissant ces émotions parler, eh bien, on va pouvoir restaurer l'équilibre de l'île. Par exemple, pour conclure juste l'histoire de Aileen, parce que là, les gens sont pendus à leur micro, ils disent mais attends, mais c'est Tom le À leur père, alors qu'il y micro! avait. Mais oui, Carrément, ils ouais. sont Ah avec oui, alors nous! pardon. Non, non, À leur casque, à leurs écouteurs, à tout ce qu'ils peuvent. Parce que alors, on a dit que c'était en fait Tongue le père, mais qu'est-ce qui se passe à l'épisode 258? En fait, nous, on va faire un jardin pour Aileen, puisque elle est partagée, elle sait pas quoi faire. Et donc déjà, dans un premier temps, elle va dire la vérité, dire qu'elle suspecte que le père n'est pas Grobert. Et finalement, elle en choisira aucun. Elle veut être avec aucun des deux et dira non, moi j'aurai l'enfant de mon côté. Vous pourrez participer à l'éducation, mais au final, au même titre que toute l'île, finalement, elle veut que ce soit vraiment communautaire. On revient à cette idée que c'est une grande famille communautaire sur l'île et tout le monde apportera sa petite pierre à l'éducation de l'enfant. Exactement. On peut peut-être rentrer d'ailleurs vraiment dans ce qui a dessiné au-delà de la météorite sur le Club Med, ce qui a dessiné vraiment le jeu, c'est son côté soap-opéra. Alors d'ailleurs, c'est toi, Maxime, qui m'as appris. Je savais pas. En fait, je savais pas du tout qu'on appelait ça un soap-opéra parce que à la base, c'était pour vendre des savons. En fait, c'était pour les pubs, mis entre les pubs pour le savon, Oui, c'est c'était ça? financé par des entreprises Oui, de voilà. savon, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est vraiment qui s'adresse aussi, c'est le genre d'émission genre, selon les personnes qui les font, puisque c'est pour la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui s'occupe un petit peu des achats, de l'entretien et tout. Et oui, les soap-opéras, à la base, c'est financé pour vendre du savon. Et donc, genre télévisé, extrêmement populaire, je pense, dans tous les pays du monde. Hein. Alors, il y a des spécificités. Je sais qu'en Amérique du Sud, y a, c'est quoi? C'est les Ah, telenovelas, ça, hein, c'est au on appelle Brésil, ça. ouais. Il Hein. y a les telenovelas Voilà, qui où sont c'est évidemment. extrêmement, extrêmement populaire. En France, nous, on a évidemment les feux de l'amour, amour, gloire et beauté. Vous connaissez tout ça. C'est obligé que vous ayez Saison côtoyé une fois le 138. générique. Ah oui! Un assez connu, je crois, dont il s'inspire. Alors là, il n'y a plus le fact-checking, c'était dans les notes d'avant, mais il y a une émission de radio, du coup, dont j'ai oublié le nom, qui est très soap-opéra, mais qui peut. Elle disait là où c'était intéressant, c'est que il y a un peu un certain rejet de ce genre, puisque comme je le disais, donc déjà c'est assez associé à un certain public, et du coup Ouais. on va dénigrer un petit peu C'est assez ce genre. péjoratif Ouais. comme terme a priori. Ouais, je crois que c'était Kitchen Sink Drama, un truc comme ça, enfin c'est un des termes qui mentionne ça dans un article. Et finalement, voilà, il y a une volonté un petit peu de rétablir le genre ou d'accepter qu'en fait ça a pris une certaine importance. Comme dit, donc cette émission anglaise là, parfois la fiction va influencer la réalité parce que ça va s'attarder sur des cas qui sont tirés du réel. Il y avait un cas, j'ai oublié le détail, je crois que c'était. Ça tournait autour, je crois, du handicap et finalement ça a pu émouvoir des personnes qui ont pu faire bouger des choses au niveau électoral, enfin au niveau institutionnel. institutionnelle. Mmh. Et il y a aussi, il y a un, alors je m'y connais absolument pas, mais il y a Star Trek Deep Space Nine, c'est ça, je crois, qui peut être considéré comme un soap opera et qui a été une de leurs sources d'inspiration aussi. Ouais, c'est vrai que c'est parmi dans tout l'univers Star Trek, parce que voilà, je peux faire mon coming out très vite. C'est parti. En direct, c'est vrai que Deep Space Nine, ça fait partie un petit peu. De toute façon, même Star Trek de manière générale, il y a ce côté un peu tranche de vie, quoi, parce qu'on suit en fait un équipage qui va à l'autre bout de la galaxie et au-delà, mais on les voit un petit peu dans leur petit quotidien, leur petite relation, etc. Donc c'est vrai que Star Trek, ça se pose bien là-dessus, sur ce côté un petit peu tranche de vie. Ce qui est intéressant avec Anna Nicklin et son approche du truc, c'est qu'elle essaye vraiment de mettre en avant le fait que, par essence, en fait, un genre littéraire ou culturel quelconque n'est pas bon ou mauvais. Elle explique un truc que je trouve très juste, c'est qu'elle dit bah, y a des films d'action qui sont nuls, il y a des films d'action qui sont très très bien, alors que c'est vrai que le film d'action ou le film de kung-fu, par exemple, il y a pas mal de films de genre comme ça qui sont souvent vus de manière péjorative, alors qu'en réalité, c'est pas lié au genre en lui-même, c'est lié aux décisions des personnes qui font les trucs. Donc pour elle, le soap opera, c'est un moyen de raconter des histoires mundane, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire un petit peu banales de notre quotidien, qui peuvent du coup avoir quand même une importance énorme, ou être complètement anecdotiques, et c'est ce décalage, on va dire, cette espèce d'oscillation entre des choses très importantes ou très intimes, qui donne finalement un côté assez... humain, finalement, très crédible, je trouve, à l'histoire, et c'est marrant parce que on passe un bon moment, tu vois, à discuter avec les gens, à écouter les petits commères, les petits ragots, les petits machins, découvrir un petit peu les dessous de cette communauté, où il y a beaucoup de non-dits, et Kai, en fait, arrive, effectivement, comme tout le monde l'accueille très vite, comme c'est un peu l'enfant prodigue qui revient chez elle, puisque sa mère, elle s'était fâchée avec Nono, hein. On apprend, en fait, que la mère de Kai et Nono étaient fâchées, et qu'il fallait enterrer l'âge de guerre, je sais plus comment ils le disent, mais c'était un peu ça, et voilà, et elle, dès qu'elle arrive, tout le monde l'accueille, tout le monde lui parle assez librement, et donc elle se retrouve à pouvoir découvrir très rapidement toutes ces petites intrigues. C'est là qu'on voit vraiment le travail sur l'écriture des personnages qui est super intéressant, où c'est pas des personnages qui sont bons, c'est pas des personnages qui sont mauvais, c'est vraiment des personnages qu'on fait des erreurs, qu'on dit quelque chose qu'il fallait pas forcément dire, il y a un truc en fait, ouais, encore une fois, très humain et très trivial, quotidien, mais je pense qu'il peut qui peut nous toucher, parce que c'est comme ça qu'on est, tout simplement, on dit des conneries, parfois on fait des choses qu'il fallait pas faire, et c'était pas forcément mal intentionné, c'est juste qu'on avait pas la perspective, ou quelque chose qui nous manquait, et on retrouve vraiment cette idée-là, je trouve, dans l'écriture de Anna, et dans ce côté, je pense que c'est ça, le côté soap-opéra, et qui peut plaire, finalement, c'est toutes ces petites ficelles, comme ça, dont on dit, et qu'on peut retrouver, et qui trouvent un écho dans nos vies, et je pense que c'est pour ça qu'on passe un bon moment, et puis qu'on s'attache à tous ces personnages, qu'on a envie de découvrir un petit peu leur backstory. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme ça qu'elle a voulu le construire. C'est typiquement le genre de jeu qui n'est pas dans cette façon de faire de la narration avec des choix où on va choisir telle ligne de dialogue ou telle ligne de dialogue et ça va impacter l'aventure, ça va impacter notre relation avec tel personnage, ça va même impacter la fin. C'est pas du tout comme ça qu'eux, ils ont construit cette narration. On a des choix dans les dialogues, mais ces choix dans les dialogues, ils concernent beaucoup plus, ils vont plutôt nous donner une perspective différente sur une même réalité. On va explorer en fait une face d'un personnage plutôt qu'une autre, mais en même temps ça nous révélera quelque chose qui à la base est la même. Donc il y a cette idée un peu d'explorer les personnages et les relations entre eux, et vraiment le jeu est d'ailleurs construit comme ça, ce sont vraiment des épisodes qu'on va pouvoir explorer plus ou moins, on va pouvoir découvrir plus ou moins des scènes cachées dans les épisodes, et c'est ça qui va nous donner ce contrôle un petit peu sur la narration qui dépendra tout simplement de notre implication, l'implication, l'engagement qu'on veut donner dans le jeu. Et c'est une des façons pour Anna Nicklin d'un petit peu bousculer à son sens l'image du héros, en fait, où là vraiment c'est donc le collectif, c'est les personnages autour du héros qui vont faire l'intérêt du jeu. Une des choses qu'elle avait tiré du soap opera, c'était qu'il y a rarement de vrais gros méchants, de vrais gros gentils, c'est plutôt chaque personnage est capable du bon comme du mauvais, et à côté de ça, lui, Nils, une des premières images qu'il a créées pour l'univers de Mutazione, c'était une photo de groupe. Donc il y a vraiment ce côté le groupe de personnages seront finalement les héros, et comme tu as dit, nous on sera un petit peu le lien entre tout ça. Et d'ailleurs, il y a un des trucs qui est intéressant dans son écriture, c'est qu'elle a essayé de faire en sorte que les personnages soient crédibles, et pour ça, une de ses solutions, c'est de faire en sorte que les personnages aient leur routine et leur quotidien qui existent, peu importe qu'on aille les voir ou pas, parce que du coup, comme tu l'as dit, le jeu est découpé en épisodes, donc chaque épisode est considéré comme une journée. On va pouvoir voir le matin, l'après-midi, le soir de chaque jour. Il y a 8 jours en tout, je crois, dans l'aventure, et donc les personnages ont leur vie, ils ont leur travail, ils ont leurs activités. invité, on va les voir dans différentes situations à différents moments de la journée, et ça permet du coup de donner beaucoup de crédit à cet univers-là, sachant qu'une de leurs sources d'inspiration, et c'était marrant de le noter, c'est Majora's Mask, donc Zelda Majora's Mask, ouais. Donc qui est le fameux épisode où on va pouvoir jouer avec le temps, qui est un univers assez dense comparé à d'autres jeux qui est beaucoup plus intimiste, on va dire, qu'un Ocarina of Time, mais d'avoir autant de personnages dans un lieu aussi compact, ça permet justement de travailler les intrigues, et c'est ça en fait qu'elle a essayé de faire avec Mutazune. On a toujours dans cette idée de ne pas surfer sur l'image du héros qui va sauver le monde, même si c'est un petit peu ce qui se passera ouais. dans l'histoire principale, mais au milieu, comme dit, c'était important pour elle de faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression que le monde ait besoin de nous, que les personnages aient besoin de nous, que nous on aille se servir d'eux pour progresser dans la quête. Et du coup, comme tu le dis, ils sont toujours en train de faire quelque chose en fait quand on arrive. Il y a vraiment, voilà, c'était important qu'ils nous attendent pas, quoi. Oui, on va vraiment profiter, on va demander du temps à d'autres persos, mais on va pas s'en servir effectivement comme on se servirait de PNJ pour pouvoir accéder à l'étape suivante. Il y a pas du tout ce raisonnement, et je trouve que c'est ce qui permet aussi de nous mettre dans cet état, de nous donner l'envie d'explorer, parce que t'as juste envie d'en savoir plus sur le truc quand on commence à dénouer une sous-histoire, on a envie d'aller voir l'autre personne et d'essayer de gratter un petit peu pour pouvoir aller tirer un peu les infos pour obtenir la vérité. Et je trouve que le jeu arrive bien à nous inciter là-dedans. Juste un dernier truc sur le soap opera, ce qui est intéressant, c'est que ce thème est complètement intégré dans le jeu, puisqu'il y a plusieurs séquences où on sera avec Tung, qui lui est fan de soap opera ouais. italien, je crois, et qui regarde ça à la télé, et il y a des longues séquences, on peut juste d'ailleurs arrêter de jouer et on entend des voix comme ça. Alors je sais même pas si c'est du vrai italien, je suis pas sûr, ou c'est plus du. Il me semble que c'est une espèce de yaourt de jeu vidéo. Ouais, voilà, c'est du yaourt de jeu vidéo. Et il y a ces moments-là qui sont intégrés dans le jeu, donc encore une fois, il y a une espèce de boucle qui se fait vraiment avec les inspirations directes du jeu. Et pour formaliser un petit peu toute cette idée de toutes ces différentes histoires qui feront l'attrait du jeu, Anani Klein parle du concept de multiple middles. L'idée qu'il y aura un même début et une même fin, mais que au milieu il y aura plusieurs choix, pour le coup en tout cas une variété de milieux, et autant il y a des événements qui vont nous indiquer qu'on passe à l'étape suivante, quand on va s'adresser à un personnage, quand c'est le bon personnage, parce que bon, on disait, autant on va pas forcément obtenir des choses d'eux, mais il y a des missions, parfois ça va être voilà, parler à telle personne, parce que bon, il y a une histoire qui avance. Il y a quand même des nœuds narratifs voilà. qui sont liés à des ouais. interactions, une fois que tu les démêles, et tu avances quoi, tout simplement. Et le jeu fait un énorme travail en fait pour nous faciliter la lecture de ça, parce que du coup bon, c'est un jeu qui est pensé aussi pour être joué au tactile, mais typiquement à chaque fois qu'on va lancer, avant même de lancer un dialogue qui va pouvoir faire avancer l'histoire et nous faire passer à une nouvelle séquence, il y a bien une petite horloge qui nous indique ça, sachant qu'il y a également le carnet, alors ça on aura l'occasion d'y revenir, mais ça nous permet de savoir un petit peu où on en est et de voir ce qu'on aurait pu explorer ou pas explorer à un moment donné. Donc le jeu va vraiment mettre en place tout un tas de petits éléments et de petits détails de gameplay, de user interface, etc. pour nous dire, ça, attention, si vous parlez à ce personnage-là, vous allez passer à la séquence, donc peut-être que vous voulez prendre votre temps, explorer. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à un Majora's Mask, justement, on n'est pas pressé par le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où une nouvelle météorite nous tombe sur le coin du crâne. Ça, non, il n'y a pas de souci, on peut prendre le temps qu'on veut, c'est nous qui décidons le moment où on va faire avancer l'histoire. Donc ça permet, encore une fois, d'aller dans cette idée de supprimer toute idée de challenge, parce que même si au départ c'était un jeu de plateforme, on l'a dit, ils ont enlevé cette idée-là, on ne peut pas perdre dans Mutazione, c'est pas possible, on peut pas faire de mauvais choix, on peut simplement explorer, comme on le disait, différentes facettes de la personnalité de Kai et des autres personnages avec qui on va interagir. D'ailleurs, on peut enchaîner là-dessus. Je pense que moi, ma seule difficulté que j'ai eue dans le jeu, il y a un moment où il y avait besoin d'une plante particulière et j'avais pas trop capté, j'ai vraiment bugué dessus, et je crois peut-être même que ça a été mis à jour après parce que j'avais joué vraiment quasiment à la sortie. Mais donc voilà, c'est la seule difficulté que j'ai eue. Et puis il y a même cette mécanique des jardins musicaux hein, qui est, on l'a dit, au cœur de la reconstruction de l'équilibre de l'île. Et là aussi, encore une fois, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un puzzle très compliqué. L'idée, c'est juste de augmenter une jauge en fait, en mettant les bonnes plantes à différents endroits. On peut s'exprimer, on va pouvoir faire son joli petit jardin comme on veut, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou alors on peut juste spammer les bonnes plantes et augmenter le truc pour pouvoir remplir la jauge de mélancolie ou de joyeux, ou je sais plus ce que c'est, les différentes émotions. Ouais, c'est ça qui est intéressant avec cette histoire de jardin, c'est qu'on peut effectivement juste placer le bon nombre de plantes et ça remplit la jauge, mais on va pouvoir essayer de s'amuser à en fait tout simplement moduler en rajoutant d'autres plantes, puisque en gros chaque plante peut être plantée à un endroit bien précis, hein, c'est très bien indiqué, il y a une petite zone blanche ou rouge qui nous dit si on peut la planter là ou pas. On voit également si elle a suffisamment de place, parce qu'elle a besoin d'une certaine place pour pouvoir pousser, etc. Et là où le jeu en fait a fait un énorme travail, et si ça vous intéresse, il y a une série de 4 podcasts qui durent, je crois, 1 ou 2 heures chacun, où ils expliquent tout leur travail musical derrière, parce que justement il y a de la musique qui va être générée de manière procédurale en fonction des plantes que vous avez mis, mais ça va être modulé par les différentes intonations, enfin en gros les différents types de plantes que vous allez mettre les uns à la côté des autres. Si vous mettez une plante A, B et C l'une à côté de l'autre, ça va pas faire la même chose qu'une plante A, C et B. Donc il y a vraiment tout un travail autour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont même, quelques mois après la sortie du jeu, rajouté un mode. Alors là, je me tourne vers Max, qui connaît le nom exact du mode. Le Garden Mode. Le Garden Mode. C'est bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Où en fait, c'est vraiment complètement délaissé la partie histoire et uniquement la partie jardin, où on va pouvoir retrouver les différents jardins du jeu de base et s'amuser à les mélanger comme une espèce de petit jeu un peu méditatif, un peu... Pour passer le temps, une espèce de petit title game où on regarde des plantes pousser, se flétrir et en remettre d'autres à la place. Et il est un petit peu plus abouti en fait, ils ont ce regret quand même de l'avoir sorti après, parce que idéalement ça aurait intégré, enfin ça aurait été dans le jeu de base, mais bon voilà, les deadlines etc, on connaît. Mais en tout cas c'est vraiment important je pense de s'attarder sur le concept en fait du jardin musical, puisque c'est venu... Pendant le développement, c'est venu, alors je sais pas s'il y a un effet cause-conséquence, mais en tout cas c'est venu à peu près au même moment où ils décident d'enlever les phases de plateforme, le challenge et tout, et du coup de faire ces phases un petit peu plus chill, où bah, c'est juste, je crois que c'est on peut appeler ça les jeux zen, un petit peu, où c'est les jeux, c'est juste de la manipulation, je sais plus où le concept me dit quelque chose, je sais plus où j'avais entendu ça. Mais ça va juste être de la manipulation, prendre du plaisir en fait tout simplement à écouter cette musique, donc comme tu l'as dit, procédurale. Alors évidemment il y a des limites, je crois que c'est pas plus de 5 instruments à la fois pour limiter un peu la cacophonie. À un moment ils avaient aussi cette idée de mettre, je crois, des insectes ou de l'eau en plus qui ferait aussi du bruit, mais à un moment ils se sont dit ok c'est too much, on va se calmer. C'est trop un compliqué. Petit peu. Mais c'est intéressant de souligner quand même, puisqu'on parle de la musique, comme j'ai dit, c'était que... Nils, Douglas et Alessandro, qui est compositeur évidemment, c'est des gros échos. Comme tu l'as dit, il y a 6 heures de podcast juste sur la musique de Mutazione, où ils déterrent un petit peu tous les anciens concepts, toutes les anciennes démos, toutes les anciennes propositions de Alessandro, selon les consignes beaucoup de Nils, puisque Nils, lui, le dit quand il avait fait donc, son fameux jeu d'animation, souvenez-vous, Rogue Blender, il avait fait la musique et c'était une partie qu'il avait adorée. Et en fait, il réfléchit beaucoup en musique, il réfléchit beaucoup en humeur, en musique, c'est une de ses sources d'inspiration principales, avant même les images, souvent. Et donc, il donnait toutes ces petites consignes, et puis il y a les humeurs, comme tu l'as dit, effectivement, il y a Spooky, je crois, et sachant qu'il y a des nuances, c'est-à-dire que Spooky, c'est pas non plus être terrifié, tu vois, c'est ce côté un petit peu... It's spooky. Oui, voilà, bah un peu, il disait série B, nanardesque, le côté un peu « ouh, ça fait peur », tu vois, mais un peu ridicule, entre guillemets. Donc il y a des petites subtilités comme ça, donc il a fallu trouver des instruments, des harmonies dans ces différentes émotions, dont chacune correspondra à une humeur, en fait, du personnage pour lequel on fait le jardin. D'ailleurs, si vous écoutez l'OST en dehors, ce que je vous recommande, parce que c'est vrai que c'est agréable quand on est en train de lire ou d'écrire ou quoi que ce soit. Il y a quelques morceaux chantés, mais la plupart du temps, c'est surtout de l'instru. Et il y a justement des suites où ça va être des grands longs morceaux de 15-20 minutes où on va pouvoir justement entendre toutes les différentes tonalités de telle ou telle ambiance pour se rendre compte de comment ça fonctionne. Et c'est vrai que là, du coup, je me suis replongé un peu dedans pendant qu'on préparait l'épisode pour me refaire. Et cette musique, elle participe vraiment à l'ambiance globale du jeu, parce que on retrouve cette ambiance assez cosy, assez cocooning, un petit peu intimiste du jeu, avec des petites sonorités. Il y a un petit moment un peu garage band, parce que du coup il y a un des soirs où ils jouent leur fameux groupe de rock avec Mew qui chante, ça part un peu en mode limite punk. C'est assez rigolo du coup de voir les différences de tonalité, mais vraiment la musique du jeu, ça fait partie des trucs moi qui continuent de m'accompagner même si j'y joue plus. Et c'est vrai que c'est un jeu qui nous amène comme ça dans cette espèce d'harmonie d'émotion. Et on sent que finalement, cette idée d'harmonie, c'est vraiment quelque chose dans lequel il voulait nous emmener avec toutes les strates du jeu, à la fois avec cette musique, mais aussi vraiment dans cette construction un peu zen de cultiver son jardin. Il y a un truc assez de revenir un peu à la nature. C'est vraiment un jeu, je trouve, qui est une petite bulle comme ça dans laquelle on va pouvoir se glisser. On va pouvoir se faire... En plus, on se fait, comme tu dis, Kai, elle se fait vraiment bien accueillir par tout le monde. C'est un jeu dans lequel on se sent bienvenu, tu vois, on nous accueille avec, avec plaisir. Et du coup, tout de suite, on a envie de mettre du cœur à l'ouvrage, de se mettre dans ce truc, de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Et finalement, à la fois, comme je disais, dans la façon de désamorcer les situations, les relations un petit peu brisé, on va dire, et puis le côté sur l'harmonie, l'écosystème, tout simplement, qu'est cette petite île, je trouve que c'est un jeu, tu sais, qui fait du bien, quoi, tout simplement, tu sens qu'on est là pour reconstruire quelque chose, pour colmater un peu les brèches, et un peu la notion de heal, tu vois, on va soigner, c'est un peu heal the world, make it a better place for you and for me, et merci, vraiment, Michael. Je trouve que c'est un jeu dont on ressort avec ça, et je pense que c'est pour ça que je l'avais autant apprécié, c'est vraiment en ressortant. Je dis, c'est un jeu, tu sais, qui a mis un peu de baume au cœur, tu vois, qui met un peu de pommade sur toi. Et c'est pas souvent, parce qu'en fait des jeux qui se passent comme ça dans un univers de post-apocalypse, hein, parce que finalement oui, il y a vrai, une météorite, c'est et la civilisation est plus ou moins détruite dans ce point-là du monde, qui nous met comme ça vers une direction très pleine d'espoir. C'est pas tous les jours, en général c'est plutôt Fallout, les mutants, la fin du monde, Mad Max, tu vois. Bah, les mutants en général faut les tuer, ouais, tu vois, tu vas pas discuter avec eux et en faire tes potes. Que là ils sont cool, ils sont avec leur charentaise devant la télé à se faire des barbecues le soir entre eux en jouant de la guitare autour du feu, etc. Donc il y a vraiment ce côté très tribal, communautaire. C'est pour ça on rencontre tous ces petits personnages, on fait partie de leur petit groupe pendant quelques jours et ça permet, voilà, de se déconnecter du reste quand on y joue. Et le jeu y arrive très très bien, on n'en a pas parlé, mais chaque personnage va avoir des petits bruits différents quand les lettres apparaissent. Donc ça permet aussi de noter un petit peu, il va y avoir une couleur différente en fonction du texte, la façon dont le texte il va popper, oui, de droite à gauche, etc. C'est très sympathique. Tu sens que c'est pensé aussi pour appuyer dessus en mode tactile, pour que ça fasse des petits plop plop plop plop plop et que ça te donne envie de continuer naturellement. Donc vraiment, voilà, le jeu fait on retrouve cette idée un peu de jeu bienveillant comme on avait pu en parler il y a très longtemps avec Céleste, ou même d'ailleurs d'autres jeux, puisque du coup tu parlais de Zen Games un petit peu. Mais enfin, juste désolé, je t'interromps, mais juste avant de passer à ce qu'on peut appeler les wholesome games, mais je voudrais juste un petit peu terminer sur Montagne. C'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé ce moment quand tu arrives sur l'île, tu vois Claire, qui est donc l'ami d'enfance de ta mère qui est partie, enfin de la mère de Kai, et tout de suite en fait t'es accepté dans cette communauté, et c'est un sentiment que j'avais bien aimé. Tu sais, il y a ce côté un peu tu baisses ta garde, parce qu'en fait on t'envoie un peu entre guillemets, ça reprend un peu l'aspect t'es envoyé en vacances chez des amis ou chez les grands-parents ou quoi, que tu connais pas forcément très bien, t'es pas forcément à l'aise, mais t'es tout de suite accepté en fait, et c'est vrai qu'il y a un côté très agréable là-dessus. Mais et sinon, quand vous disiez c'est un jeu qui met du baume au cœur, etc., en fait c'est vrai, mais sans être dans le côté vraiment entre guillemets, je mets vraiment mille guillemets, le côté un peu naïf, un peu too much, peut-être un peu ouais, trop de sucre, ouais, ouais, c'est vraiment un jeu qui harmonie, c'est le bon mot, puisque c'est un jeu qui va dire il faut vraiment accepter tout ce qu'il y a de mal, parce qu'on le dit, c'est un jeu cocooning, c'est un jeu tranquille. On parle à un moment d'un mec qui a incendié une maison dans laquelle des enfants sont morts, qui a disparu. On va parler à son père, qui a donc perdu son fils, à un mec qui se sent responsable de tout ça et qui est emprisonné un petit peu sur cette île et dans son regret, à évidemment sa femme qui reste. Donc il y a quand même des histoires dures. Il y a plein de petites, des petites nuances aussi, sans que ce soit aussi dramatique. Il y a des choses, par exemple Claire, tu vois, c'est pas quelqu'un qui a très confiance en elle, et d'ailleurs c'est entre guillemets, c'est marrant, mais quand la mère de Kai revient, Claire, elle est... En fait, c'est vraiment son amie d'enfance, elle est contente, mais elle est très insecure, tu vois. En fait, elle a ce côté, ah, elle est belle et tout. Elle est dans une phase amoureuse un peu délicate avec Spike, où elle sait pas trop quoi faire. Elle s'enfuit quand l'amour est déclaré parmi eux. Enfin, elle a pas vraiment confiance en elle, et du coup, elle se sent pas très bien quand la mère est là, parce qu'elle la trouve beaucoup plus belle, beaucoup plus classe, etc. D'ailleurs, la première rencontre avec Claire, c'était assez touchant, parce qu'elle est en larmes, en fait, elle te voit, oui, et elle arrive pas à gérer ses émotions, elle pleure, elle te demande de revenir plus tard, et donc tu peux pas lui parler avant l'après-midi, parce qu'elle met quelques heures à s'en remettre de te voir, parce qu'en plus tu ressembles à sa mère. Donc ça, c'est vrai que c'est du truc, tu rentres dans le jeu instantanément, et on n'est pas du tout dans un accueil classique d'histoire de jeu vidéo avec bonjour guerrier, voici une épée et voici le dragon. Ouais. c'est très différent, et c'est vrai que ça c'est super agréable effectivement comme accueil. Et l'île, elle est à l'image finalement de cette entre guillemets de cette morale qu'il faut, que la vie c'est une harmonie entre le bon et le mauvais, puisque une vie sans mauvais ce n'est pas possible, en fait il faut vivre avec et il faut l'harmoniser. Et tu vois le fameux arbre papou à la fin qui éclot avec ses magnifiques pétales et tout. En fait, il a besoin, ça on l'apprend pendant le jeu, il a besoin du gros champignon toxique qui se trouve dans le sous-sol. Voilà, c'est ça, il y a besoin des deux pour avoir cet arbre équilibre entre pour que la vie puisse continuer, il faut qu'il y ait la part de sombre et de souffrance et de monter. Et oui, c'est la vie, hein. c'est la vie, elle est faite de souffrance et il faut l'embrasser. Un écosystème, c'est fait de bactéries, de prédateurs, ça fait partie de tout ça. C'est belle chose de la vie qu'on arrive à faire avec cette émission, ça c'est vraiment formidable. Et du coup, peut-être qu'on peut revenir un peu sur cette tendance un peu de wholesome game, hein, dont on parle un petit peu de plus en plus aujourd'hui. Alors, on n'est pas sûr entre nous si on peut vraiment les mettre mutationné dans ce rôle-là. Alors moi, j'ai cherché un petit peu hier ce que c'était vraiment... Qu'est-ce que ça voulait dire wholesome, tu vois ? Et donc wholesome, ça veut dire qui est bon pour ta santé, à la fois mentale, mais aussi physique. Donc voilà, c'est des jeux qui sont là pour qui vont enlever toute idée de violence et compagnie. Donc ça, mutationné rentre pas mal là-dedans. Et c'est vrai que c'est une tendance, on a l'impression qu'il y a une partie des créateurs, créatrices du jeu vidéo qui ont envie d'insuffler justement plutôt ces émotions-là dans l'offre de jeux vidéo pour justement contrebalancer les mutants, les machins à tuer, même si c'est très bien de tuer des démons. Moi, j'adore ça personnellement. Mais justement, il y a besoin de cette espèce d'harmonie et d'équilibre. Effectivement, il faut de tout hein, pour faire un monde, comme disait Arnold et Willy. Donc, il y a cette idée avec les Wholesome Games. C'est vrai qu'on a même eu d'ailleurs c'était l'année dernière, en 2020, où il y avait eu une petite conférence réservé à tous ces jeux-là. Vraiment avec des jeux où tout de suite il va y avoir des choses très colorées. Je sais que vous, sur GND, vous avez parlé de Short Hike qui colle parfaitement à cette définition-là. Moi, j'avais joué un petit jeu de gestion qui s'appelle Highlanders, où c'est un jeu de construction de ville, mais qui est très chill, il n'y a pas de réel objectif, on peut jouer en mode infini avec des petites musiques. Il y en a plein des jeux comme ça. Il y avait comment il s'appelait, tiens, on en avait parlé, Max, ce jeu où tu dois envoyer des lettres à des inconnus en essayant d'être gentil, etc. Kind Words, voilà, qui avait beaucoup fait parler de lui également. Enfin, des jeux comme ça, en fait, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que depuis quelques années, on sent qu'il y a une envie, en fait, de la partie d'une partie du public, mais également d'une partie des créateurs et des créatrices de JV, de nous donner quelque chose de où le jeu vidéo, c'est pas juste une échappatoire de notre quotidien et on se détend le soir après une journée de boulot. Ça peut être aussi un moyen simple de se faire du bien, de s'entretenir, de prendre soin de soi, etc. Et je pense que c'est un peu cette idée-là qu'on retrouve derrière toute cette mouvance, on va dire, actuelle. On avait déjà eu l'occasion de mentionner un petit peu ça, puisque c'est évidemment ça existe depuis un petit moment, et notamment un des plus connu, ça va être That Game Company, tu vois, avec Flower, Journey, et eux, leur postulat, c'était on va essayer d'explorer une palette émotionnelle qui est très peu exploitée dans le jeu vidéo, où la violence est dominante. Et comme on le dit, hein, c'est encore une fois, la violence, c'est pas un souci dans le jeu vidéo. On aime bien ça, on aime bien tuer des choses dans le jeu, mais... voilà, il y a plein d'autres choses à faire, en fait, tout simplement. Il y a encore plein d'autres émotions à explorer. Et c'est vrai que le côté wholesome, bah, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui se penchent de plus en plus vers ce qu'on peut faire, tout simplement, pour voilà, ce côté un peu cocooning, faire du bien. Même si, comme on l'a dit, wholesome game, bah, c'est encore quelque chose d'assez récent, en tout cas, ce terme, en tout cas, à ce que je sache. La terminologie, Et c'est quelque chose qui, comme on l'a aussi dit, c'est pas encore défini. Est-ce que c'est plutôt dans le côté esthétique ? Est-ce que c'est plutôt dans le côté mécanique ? Je sais pas, par exemple, Spiritfarer, c'est un jeu qui va parler du deuil. On va accompagner des gens, ça va être c'est pas triste, en fait, c'est pas dramatique, c'est des gens qui l'acceptent déjà un petit peu. Il faut faire ce parcours avec eux, mais par exemple tu peux leur faire des câlins quand tu veux, tu vois, ça c'est une mécanique, t'as une mécanique de câlin. Et à côté de ça, il y a des gens qui vont considérer que Animal Crossing c'est wholesome, et je le comprends, tu vois, il y a ce côté un peu monde idéal de Préato Zéro mais aussi de personnages qui vont être mignons, sympathiques et tout. Et à côté de ça, je sais pas, t'as un cours boursier du navet, tu peux virer des habitants de chez eux pour faire ta maison. Enfin, voilà, là je dénonce rien, parce que comme dit, hein, le jeu, moi je comprends tout à fait que des gens adorent et que ce soit effectivement une bulle adorable, mais c'est pas simple, en fait, de mettre le doigt sur vraiment ce qui est wholesome ou pas, mécanique, thématique ou narratif, quoi. Plus que d'essayer de définir le genre, ce que je trouve cool, en fait, avec l'évolution du jeu vidéo ces dernières années, c'est qu'on peut vraiment, comme avec des films ou des bouquins ou de la musique, on peut commencer à se dire qu'en fonction de son humeur, on va pouvoir se dire, bah tiens, aujourd'hui, je suis pas très bien, je vais plutôt jouer à ce genre de jeu. Et c'est vrai qu'il y a encore peut-être 15-20 ans, c'était plus difficile parce que tu avais le choix entre des jeux de guerre et des jeux de guerre. J'exagère évidemment, je grossis le trait, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est vrai que, bon, sorti des jeux de sport, de quelques simulations, pendant très longtemps, le genre de jeux vidéo était relativement peu varié. Là, aujourd'hui, ben, en fonction des moments, de la journée, de l'humeur ou quoi, on peut se retrouver. Comme tu vois, tu veux te dire, bah, tiens, je vais regarder une rom-com parce que j'ai envie de rigoler, ou tu veux regarder, je sais pas, un film un peu d'action ou un truc d'horreur pour te faire peur. On peut arriver à avoir aujourd'hui, avec le jeu vidéo, suffisamment de variété pour coller à différents moments de notre vie. Et donc, c'est pour ça que Mutazione, c'est peut-être pas un jeu qu'on peut recommander à tout le monde tout le temps, mais par contre, à un moment donné, il y a des chances que ça puisse vous plaire. Parce que si vous êtes dans le bon mood, vous risquez de trouver dans ce jeu-là quelque chose qui fait du bien, tout simplement. Et puis, peut-être pour terminer, ce qu'on avait trouvé aussi intéressant, c'est de mettre en parallèle, bah, justement la vie de ce qui se passe dans le jeu avec celle du studio, puisque cette philosophie un peu, comme on l'a déjà un peu dit, presque un peu hippie, on l'a dit, bah voilà, c'est des développeurs qui n'hésitent pas à mettre justement la communauté, de se mettre au service de la communauté. Et aujourd'hui, bah, c'est vraiment Anna Nicklin qui a vraiment pris le lead sur le studio. Elle est devenue CEO et en même temps creative lead, hein, donc vraiment elle est c'est vraiment à la direction à la fois créative mais aussi business du studio. Et je trouve que c'est assez atypique en fait de voir un studio où des fondateurs vont step down, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre un peu en retrait pour laisser diriger une personne qui s'est greffée déjà 5-6 ans après la fondation du studio. Je trouve que ça c'est assez atypique et c'est vraiment intéressant de voir un studio qui traduit sa façon de penser. On sent que c'est un jeu qui a été fait par des gens qui ont une certaine façon de penser, une certaine façon de voir la vie, et ça s'insinue même dans leur façon de gérer leur studio. Et je trouve que c'est assez chouette de trouver une cohérence entre le message du jeu et la réalité, parce que ce n'est pas toujours le cas dans certains studios. Bah, tu sens qu'ils réfléchissent en jeu en fait, et que je crois que Benoît le disait, l'ego va pas vraiment rentrer dans l'équation. Comme on le disait, c'était Where Is My Heart, c'est plutôt le jeu de Bernard, j'ai oublié le nom de famille. Jost, c'était plutôt Douglas Wilson. Mutazione, du coup, c'est Nils Daneken. Et le prochain, a priori, ce sera Anna Nicklin. On verra, on n'a pas d'infos sur leur prochain jeu. Et de toute façon, tu sens que Nils, oui, effectivement, Mutazione, comme on a dit, ça faisait plus de 10 ans que ça lui trottait dans la tête, qu'il avait fait l'univers, le sketch et tout. Le jeu a vraiment changé. Hein. On est passé d'un platformer à un jeu où tu vas faire du jardinage, et c'est devenu une mécanique centrale du jeu. Et on sent que Nils, il fait un peu son deuil, tu vois, à sa manière, mais dans le sens doux du terme. C'est-à-dire que bah, il a fait un podcast de 6 heures sur la musique de Mutazione avec deux autres. Il publie beaucoup de croquis qu'il a fait à l'époque. Et il a son compte Twitter où il parle principalement de ça. Enfin, il y a beaucoup d'exorcisation un petit peu, de deuil, où vraiment, il dit un peu... Enfin, moi, c'est mon interprétation, mais à ce côté, il dit un peu au revoir à ce jeu qu'il a accompagné pendant peut-être 10, 15 ans, on va savoir. Et bah, d'ailleurs, quand un jeu sort et qu'on en fait l'analyse, les game designers, les devs parlent d'un post-mortem souvent. Et là, bah, en fait, il y a le post-mortem et il y a le deuil, tu vois. Oui, il est en train d'accompagner son jeu. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Et voilà, c'est pour ça, je pense qu'on... tout ça nous a interpellés, finalement, dans ce jeu. Parce que encore une fois, il apporte des réflexions qui sont un peu différentes de ce qu'on peut voir d'habitude. Et c'est ce qu'on avait envie de vous partager avec cet épisode, tout simplement. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire avec Mutazione. Encore une fois, il y a de grandes chances, j'imagine, que bah, vous nous ayez peut-être écouté et que vous aurez peut-être envie de faire le jeu, vraiment plonger dedans si vous le souhaitez. Bon, même si on a spoilé 2-3 trucs, c'est le principe de... Le mec rappelle au bout d'une heure d'émission. Et oui, on spoil. On spoilait. Ça fait partie du principe de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez être wholesome et nous aider sur Patreon. Pour être awesome, pour le coup. Exactement. Vous pouvez être des gens comme ça. On remercie également Third Edition, Sœur d'édition, Teur d'édition, vous prononcez comme vous voulez, parce que je sais que les gens m'embêtent maintenant, donc je vais être chiant moi aussi, je suis comme ça. Moi je suis pas du tout wholesome comme personne, il faut le savoir. Donc merci évidemment, le livre sur Metal Gear qui est de nouveau disponible, c'est le mois Kojima. Qu'est-ce qu'a fait Kojima récemment? Je ne sais pas, mais peut-être il y aura des nouvelles manger. Chez eux. Oui, il a mangé, il a sûrement bu un petit coup avec Mats. On sait pas ce qu'il fait, il nous manque. Moi, il me manque, voilà, je suis un petit... Mais on le retrouvera peut-être un jour dans l'émission. Oh là là là là, si vous nous avez écoutés jusqu'ici, là, ça tease, vous avez attention. Un teasing incroyable. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, on va retourner vers la violence, il me semble, parce que voilà, on peut pas faire trop d'écart. Il y a un moment, c'est voilà, les studios de saltimbanques qui font des trucs où faut taper des manettes, c'est mignon, mais faut passer à autre chose maintenant. Très bien. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Salut. Salut.